Le jour naît doucement sur les collines. Riderski avance, le regard qui s'incline. Le vent caresse la cime des arbres. La nature s'éveille, le combat se prépare. Les ombres s'effacent, la paix est fragile, mais la lutte continue. Chaque instant utile. Les bases seraient solides et fières. La team s'organise, prête à faire taire les ennemis rôdent, mais rien ne freine. Dans ce monde dur, chaque jour est une scène. Les murs s'érigent, le bois grince fort. Chaque pierre posée est un pas vers l'effort. Les voix s'unissent sous un ciel clair. Riderski chante, empli de lumière. Le grind persiste, la foi en bandoulière. Dans la forêt dense, rien n'est imaginaire. Le vent porte nos espoirs sincères, unis dans la lutte, liés par lumière de l'aube, le combat s'élance. Riderski guide la team en cadence. Chaque bataille forge nos destins. Dans Russe, la survie éclaire nos mains. Nos voix s'élèvent, fortes et fières. Les forêts vibrent sous les assauts. Les pièges claquent, le danger rôde là-haut. Le feu éclaire les visages tendus. Mais la foi est là, jamais perdue. Les batailles marquent nos cœurs. Chaque jour est une lueur. Bataille brûle, Riderski crie, rallume la bulle. La team avance forte et fière. Dans cette guerre, rien ne les altère. Les bases tiennent solides et claires. Chaque victoire éclaire la terre. Le calme revient. La nuit s'apaise, mais la vigilance jamais ne cesse. Chaque étoile éclaire la voie. Dans cette forêt, la vie est loin. Les voix s'apaisent, le silence grandit. La flamme brûle, jamais ne s'éteint. Riderski sourit. Dans rapproche, la guerre persiste. Dans ce monde sauvage, tout réside. Lumière de l'aube, le combat s'élance. À l'heure qu'il guide la team en cadence. Chaque bataille forge nos destins. Dans Russe, la survie éclaire nos mains. Nos voix s'élèvent, unies et fières. La forêt s'éveille, dans le stream une nouvelle bataille s'émerveille. Radoskil avance, fier et droit. Dans ce sanctuaire, la lutte continue. À Bremen.